Mon enfant, où vas-tu comme ça? Mon enfant, où vas-tu comme ça? Tu t'en vas derrière l'océan pour aller rencontrer ta destinée. Tu fuis le néant pour ne plus galérer. Tu es si ambitieux, tu es très courageux. Ton rêve se convoit, même si c'est dur, dur. Tu as Dieu et ta foi. Les marchands d'esclaves vous aboient. T'es hors la loi, sans aloi. Attention où tu vas, fais attention où tu vas. La mort suit tes pas, la mort est derrière toi. Méfie-toi de l'océan, méfie-toi de l'océan, méfie-toi de l'océan, méfie-toi de l'océan. Méfie-toi, méfie-toi. Non, ne va pas là-bas. La mort, la mort, la mort, la mort t'attend là-bas. C'est pour cela que je t'avertis. Oublie l'océan. Oublie l'océan. Ta vie, sauve ta vie. Ne fais pas pleurer ceux qui t'aiment. Ne fais pas pleurer tes parents, tes amis. Si je te le dis, c'est par amour, amour, amour, amour pour toi. Oublie l'océan, reviens. Oublie l'océan, reviens, ta terre t'attend. Mon enfant, où vas-tu comme ça? Mon enfant, où vas-tu comme ça? Tu vas pour te chercher et tu te mets en danger. La Méditerranée n'a pas pitié et tu vas te noyer. Des milliers d'Africains gisent au fond de l'eau, loin, loin, loin, loin de leur berceau. C'est là leur tombeau d'eau, c'est là leur tombeau au fond de l'eau. La Méditerranée n'a pas pitié, la Méditerranée n'a pas pitié, la Méditerranée n'est pas rassasiée.